bandeko batali esengo ezali na ngambo na biso koyeba ete bozali ebele ya kolanda biso bozali ebele ya kolanda site oyo ngoloba TV alors bo s'abonner massivement parce que toza wana pona bino toza na posa ya bino pona tomata pe tokende musika pona excellence pe ya chaîne oyo yango wana toza wana pona bino alors merci na kolanda site oyo ngoloba TV merci lisusu na kolanda émission oyo parcours na biso tobandaki yango bongo mbala liboso tobandaki yango na kolobela lisolo ya Mary Jo oyo azali drummer ya Zaiko oyo asalaki penza makambo mingi tango akotisaki Seben na kati ya musique na biso akotisaki yango bongo na kosangisa makela ya ba ndeke ya makela bato ya nzela ya train wana nyonso to asangisaki yango bongo yango babengaka ye machine ya kauka tobetaki ba maso na ye pe to présentaki ba condoléances na famille na ye tomoni bongo maman Jackie Merijo tomoni bongo pe bana Yves Belobi tomoni Tania Belobi donc te présenter bino lisusu ba condoléances pour occasion et pesami lelo toza na posa pe ya koloba kobeta ba masolo mosusu ya ndeko mosusu azaka langa nzembo mais mission oyo eza kaka mpona balanga nzembo te tobandi na bango malembe tokokoba parce que bato mpe ya kolobela baza nano ebele toza kolobela baoyo batya bamaniata na bango na mokili na RDC mpona nini te tokokende na ngambo ya Angola tokokende na ngambo mpe ya Brazzaville mais avant tobanda naza kopesa mbote na bino parce que bosutenaka biso esalaka bien namoni bongo kadengoloba simple représentant ya vie publique motema ashu na masudi ma maman chérie kadengoloba oza na nini oza na eloko Verdi Pumpa, mon fils que j'aime beaucoup, bisous à toi Verdi Pumpa. Je pense à tous mes enfants, Jackie Kabasele, je pense à Kesha et Beni Okwasa, je vous aime. Et na kanisi lisusu, Corneli Maya Fashion, ma soeur de sang, ma jumelle. Na kanisi pe lisusu, la grande Elodie Ngoloba, na pesio mbote, la grande Elodie. Et puis na kanisi le couple Moko Yamalonga, hein, Didier Ngoloba, mon vieux Massaro. Motema ya Betty Sinda élégance hybride renouvelable rechargeable anti pollution nakanisi Tony Ngoloba moto moko 10 personnes apesi ombote nakanisi mwana mama Willie Bonja esikozolanda ya yango na divini langa mama ya bana nanga apesi ombote nakanisi susu tete mwanga ya Leon Mwanga adi de mon cœur Teresa Dingite tete mwanga ya Leon Mwanga na Londres et nakati ya Londres wana apesi pembote na JPMA waza kukolanda biso topesi ombote na ke na ngambo ya Angola kuna komona asombela na Luanda motema ya Lila Ngumbala na pesi ope mbote na pesi mbote en tout cas na bino nyonso tout bozwi libaku ya kolanda emission oyo e na kanisi pe yo yaya afi mosango yaya na nga motema na kanisi pe yo lelo na parcours toza kobeta lisolo ya Bavon Marie-Marie azalaki nani donc tozongi bongo na ancien succès poto tokanisi epoyi akufaki bongo un certain 5 août yango wana émission oyo parcours yango wana Ngoloba TV elingi et rendre sous hommage et puis tozonga na kati ya musique ya kalakala à travers ba auto yebi toyebi oyo toza kobeta oyo biso toyebi soki pe yo moni mosusu na kati ya maloba na nga mosusu nalobaki te okoki obenga na numero eza afishe obanga biso ke nabakisi boye comme ça na deuxième épisode na deuxième partie tokomeka un peu kobeta lisusu yango bavon marie marie nde nani bavon marie marie abotama na Kinshasa parce que toyebi bato mingi oyo babotama ba 1944 babotama mingimingi na mboka obien na mboka moko akati ya bakongo na mboka moko akati ya équateur mais ye abotama na Kinshasa un certain 27 mai 1944 donc papa na biso babotama na 1944 yango wana okoki kobosana yango te abandaye bongo kovanda na mama na bango na mama na bango oyo nkombo na ye ezalaki Nelly Bonga Makiese oyo aelevaki ye ntango papa na bango akufaki Bavon siongo Marie-Marie, azali bongo leki ya suka ya Luambo Franco. Luambo Franco, Luambo Makiadi Franco, oya salaka mindule penza ya kitoko pe atika kombo kaka na Kongote, na Afrique pe na monde entier. Alors, bavon Marie-Marie ye asaki succès makasi na kati ya quartier Far West et puis abandaki ko fréquenter mingi bato ya Bosobolo. Ils sont venus à Bango. Akufaki Bongo en certain 5 août 1970. Akufaki Nanin, ye azalaki kokamba bongo orchestre moko negro succès orchestre na ye bande kokamba. Alors il fallait babeta concert moko ce même jour. Concert wana ezalaki annulé. Tant que Zalaki est annulé, il y a moni, batomosu kutu, balobaki soki, abeta kana endule, wana soki azalaka, na concert wana alingaki kokufate, soki peut-être liwana ezaki na 23h ye alingaki kokufate pona tango wana alingaki kozana kati ya na kati ya concert alingaki kozala épargner. Bongo concert ezaki annulé ye balobi te, ngape na rotika te. Na kotambola wana en tout cas asaki excès mingi amelaki ba masanga penza makasi asaki mwa na kucha masanga et puis tanga bandaki ozonga na vitesse wa makasi wana bavon Marie Marinde asalaki accident et puis akufaki. Mais tango bandako ke nazaki paye mon côté azaki bongo na mwasi na kacha mutu kana mwasi na ye ndesaki ke bango mibale pasaka accident mais mwasi ye azwe kaka choc na makolo et senga ki pe kutu bakata ye yango mais bavon Marie-Marie akufa ki bongo sur place. Asaka succès mingi na ba année 1966 67 68 69 70 même 71. Asaki succès makasi et puis asaki penza mobali kitoko en tant que bato bazolo bango donc bazolo bazaki pena kitoko makasi parce que asaki na loposo mo pembe abandaki olata bien abandaki ko fréquenter basi ya bien et puis asalaki pe lisusu na ko tambola na bamituka ya bien et puis ya talo bavon Marie-Marie. Mais na kati ya musique na ye po na ya ye baki bongo lindanda ou bien guitare na kati wana azaki pen asaki succès batokutu bakoma ki ko comparer na grand frère na ye Luambo Franco balbi en tout cas ye pena azaki na maîtrise kitoko et puis ko comparer na frère na ye ye aleka ki Franco. Abanda ki bongo musique na ye mwana moke na age ya 15 ans et puis abeta ki yango bien makasi et puis saka succès makasi na métier na ye parce que tango abanda ka yango na 15 ans wana azaki mwana moke metango akufi bongo na 1970 to comprendre kaka ke asaki pena succès moko atom ulaite parce que kozo 1944 tina 1970 asaki kaka na 26 ans akufa ki trop jeune pe atika ki bana 5 donc atika ki bana 5 kolobali susu nini bavon Marie mère asaki succès kaka na Congo te kaka na Zaïre te à l'époque asaki pe succès makasi na Afrique mobimba po bato balela ki e makasi tango bayoka ki côté sango ya liwana ye voilà bavon Marie-Marie ye asala tant akufa wana asala atika ba nzembo bela atika ba œuvre belé atika plus ou moins 80 nzembo donc azaki vraiment kaka moto ya guitare te mais azaki pe lisusu ko composer malamu yango wana a fait à sala banzembo belé to kokolo bela mwanze banzembo ndamu lokola elongi ya TV toke na Mille Zaïre pour Lucie toke na Lucie Paoni ya talo toke na Lucie Tozongana toke na Maseke ya meme libanga na libumu et bato mingi bakolobaka ke nzembo na ye moko nde mutu salaka ke baloba na tango wana ma bavon c'est sûr alinga ki déjà koti kabatu Voilà, donc tout ça qu'on continue. Kaka koloba est un zimbo naie, mais c'est qui a même un débat. Baloba qui est un zimbo, et même qui est naliwa, parce que aloba qui va terme, même qu'on a kati le cola, ndoki pe akufaka, qui s'y paie et pour la ka. Alors, bamone qui est tango et bimaki, d'un kalate, de konabi soazon, et ça qui bongo, moli mon n'est pas, y a kolon zambe, bato, baloba qui est une façon, y a kopé ça, au revoir. Mais, bah, fanatique, peut-être, y a bavon Marie-Marie. Falobi et Luambo, il fallait dengue la cata cimetière en déconner le baki kakobo sanate tant on nous autour commanda kobimisa ba album moko pour n'en déconner alors balinga qui vraiment à sala yango bongo mais Luambo na manière naïe pia banda que l'an déconner tika quitte à continuer qui toujours que l'an déconner parce que à sala qui bongo abimisa qui bongo n'zé moko à titre posthume titre en zimbo en ezali béa donc le l'homme a bimisa qui en gros tout comprend les acquis soit nzembo bavon Marie-Marie atika qui en suspens et y a bimisa qui en gros et puis a interprété qui les sous nzembo ya masieke ya même mais l'homme atika qui bon côté parce que ayemba qui na monoko ya mboka na bango nzembo moko lokola en fait en fait Kintiona et puis Kimpakisanga mena donc ezala qui lutte moko contre les sorciers donc peut-être pendant Luambo Franco à mon avis qu'un déconnaie a beaucoup fa bongoté il était si jeune donc encore beaucoup fa bongoté il y a Monique il fallait danser qu'ezala qui moi Luambo moko ezala qui na maboko ya bato mais na koluka peut-être bato ba koluka ko critiquer koloba que Franco après on a sali 5 albums naie na place c'est à continuer ça en bandim bavon Marie Marie à mon aki kaka koyem bandim kobimisa nzembo bea et puis ko interpréter les sousou masie qui a même balinga qui vraiment à continuer na bandimbo ebele mais Luambo Franco yé na bandimbo na enyo surtout à bandaki kolela kaka ande konaye le kina ya suka bavon Marie Marie parce que tant waza koloba na na kikongo donc na direct na bango mounu Marie Marie ta dila donc ezala ki loko là je pleure bavon Marie Marie donc na bandembo ya Franco ni surtout abanda ki koloba kaka bongo nga koloba vraiment que à ça qui perte à ça qui pena trumoko makasi na kati ya famille à ça qui trumoko makasi Nakati ya vie ya ndekonaye Luambo Makia di Franco. Alors fidèle internaute o tokoki ko retenir na bavo Marie Marie Zanini. Toko retenir que azalaki vraiment mwana mukie abandaki mindule na yena 15 ans na 15 ans ana en tout cas emema ki e musika azalaki bon ko kamba orchestre negro succès emema ki e musika azalaki un guitariste un soliste munene bato soki ko comparer nan de konaye balba ye ken de konaye penza azaki te donc bavonde azalaki aleka ki ye puis azaki auteur compositeur ya makasi ti akufa akomaki 80 zembo donc ils a vraiment ebelé et puis azaki na loposo ya langi ya langi na loposo ya pembe ya pembe donc et bandaki asala ki bien basi bandako c'est bandon c'est pelanae tout autour na bandako osa na basi kitoko anota mbulami tuka kitoko asala ki pe moko kitoko bandaki kola tape kitoko atika ki bongo bana 5 mena liwa na ye isala ki kakapo bato ba pesa ka faute pourquoi est-ce que bavon Marie Marie fait ba annuler ki concert wana normalement concert wana soke zala annuler te de kona biso lenga ki na ye kokufa te pendant un moment oyoye akufa ki ezaki po tant concert ezaki annulé to mona ki ba mona ki ebongo na baba rebelé lokola na vis-à-vis na Chekora Aurélie Bar chez Parafifi donc atambola ki na baba rebelé na butu wana et puis azaki ivre tango akei bongo kokota mutuka asa accident na kosbaki donc na nzela o na pont oyo ekabolaka kint ekabolaka bandal na kitambo nde ye akufaki wana ye akufaki bongo sur place mais moi si oyo azalaki na ye wana nde ye azwaki kaka azwaka shock na makolo singa kibongo ba bakata ye bama kolonyoso wana tobeta ki bongo lisolo ya bavon Marie Marie oyo asala ki pasi kaka te na na Congo to na famille na été fait na Zaïre à l'époque to na famille te asaki pe pasi partout dans le monde entier na Afrique pour asala ki kombo penza makasi ndeko na biso akufa ki atiki fait atika bana pe donc déjà bakola pona akufa ki na 1970 abotama ki bongo na 1944 on ezaki bongo lisolo to ngaki to to partager pour tout le monde avec le 5 août yango et outi koleka to beta mo mbango mbango lisolo ya ndeko na biso siongo bavon Marie Marie le ki ya luambo franco et voilà donc na part na biso mais yo po moni koza na moi na participation mo oyebi to ozala kana tango wana to o viva ki yango to mama to papa ba betela ki yango parce que ba to balobi so ki ba ba bavon Marie Marie se kaza pena mo bali to ko astra ki venza succès kaka na guitare te kaka na ba nzembo malamu te masaki ki pena succès po za ki kitoko donc so ko moni yo moni un homme beau un homme ki s'habille bien tambo ami tout katalo ki toko pena abanda ko leka inaperçu té ngwana asaki succès makasi na ba année 1966 1967 68 69 70 voire même 71 parce que wana ndesa ki ke so ki une personne meurt bien un artiste meurt à wana Congo to mona ka bongo na batango wana nyoso te ko bando sala kaka bandie mona et donc ba ressusciter ba œuvre na ye ba komi ko beta ngo trop ata na mwana mukio oya ye ba ki été akoye ba ebongo na ndenge baza ko nkola kisayeli susu pe bandie mona ezali ko beta lisusu alors bongo to komi na suka émission na biso parcours topesi bino merci parce que bozo sala biso confiance merci parce que boza wana pona biso en tout cas ko sala bien que bo soutenir biso et puis to kende liboso to kena bino vraiment musika topesi sou merci na bino nyoso na pesi merci na ba o bazo soutenir nga makasi keshana benyo kwa sa merci na afi mosango na pesi yombote pe na pesi mbote na bino nyoso tout bande ko batali ya ngolo ba tv na pesi bino nyoso mbote bande ko batali ya emission na biso parcours tokutani bongo mbala ya sima na lisolo ya sika toyebite soki tozaka na kati ya mindule to na kati ya makamu susu me tokozawana toujours pona kobetela bino masolo na ba oyo batika bongo ba empreinte ba maniata tozana na Congo parce que tozana nous riche na batuana bazebele ba sculpteur ba comédien ba musicien baza vraiment belé ba militaire baza vraiment belé basala na nu ba chapena ba empreinte na bango alors tozawana na bango bongo tokukuta na pemba la siwa pona tokene na bamboka mosusu et tokota pe susu na banga mosusu na ba continent mosusu pe pourquoi pas topesi bino merci bongo tokutani mbala ya sima.